En raison du contexte sanitaire, notre série sur le corps féminin est exceptionnellement et temporairement interrompue. Elle sera reprogrammée dès que possible. En attendant, et pour patienter, je vous propose d'apprendre à devenir vertueux avec Jean Kelevitch. Dans une lettre à son ami Louis Bauduc, datée du 20 septembre 1924, le philosophe Vladimir Jean Kelevitch écrit « Comme ils sont odieux, ces gens qui sont hypnotisés par leur propre moi, par leur voyage, par leur santé, par leurs examens, par leur intéressante personne et par leur précieuse tripe. Mais comment faire pour cacher ce jeu que l'on ne saurait voir? Pour bâillonner ce, je cite, personnage adipeux qui dit je, moi, nous autres, qui intercepte le soleil et le chant des alouettes. L'humilité, nous dit Jean Kelevitch, l'humilité est la clé, la vertu intermédiaire. Mais comment distinguer l'humilité de l'humiliation? Et Jean Kelevitch, quand il est question d'humilité, en connaît un rayon. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça « Traiter des vertus », ça ne attirera pas tellement de lecteurs, mais enfin, mon ami M. Pierre Bordas a bien voulu l'éditer, et m'a permis de me faire entendre, et de le rééditer sous une forme tout à fait différente, en effet. Tout ça a occupé beaucoup d'années de mon existence, je ne sais pas pourquoi j'ai consumé mon existence à ça d'ailleurs, j'aurais peut-être mieux fait de faire autre chose. Mais enfin, ça y est, c'est fait, quoi. Tant pis, même si on ne me lit pas. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact, I'm down in this. You say with my boo babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westy girl with my base stuff. Ooh, that pussy good. Won't you send it on my taste buds? I get way too petty. Won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down. We playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Piss out your per diem. You just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Bonjour Pierre-Alban Guttinger-Follow. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Quand Kendrick Lamar chante « humble », il s'autoproclame « humble » et c'est la meilleure façon pour Jean Kelevitch de ne pas l'être, n'est-ce pas ? Oui, à partir du moment où on dit qu'on est humble, on s'en rend compte et ça gâche tout. Le problème de la conscience, c'est qu'elle est toujours un peu perverse dans ses prises de conscience. Elle altère l'objet en fait qu'elle prend, qu'elle enserre en fait dans ses griffes, et elle perd ou elle corrompt en fait la précieuse vertu. Alors c'est valable pour la modestie, c'est valable pour l'humilité, c'est valable aussi pour la beauté. Quelqu'un qui se sait beau devient laid d'un seul coup. Quelqu'un qui se sait drôle devient ridicule. Quelqu'un qui se sait modeste, en fait, est toujours suspect, puisqu'on peut se dire qu'il est humble ou modeste pour le montrer, pour s'exhiber comme humble et comme modeste, et donc pour faire une sorte de calcul intéressé qui n'est plus du tout moral. Donc il vaut mieux se mentir à soi-même, ne faire aucune introspection, et pour être sûr de... Non, ça serait pire, ça serait une conscience avec exposant. Ça serait prendre conscience de sa modestie, puis prendre conscience qu'on a pris conscience de sa modestie. Et alors le jeu de miroir serait infini, mais la perte serait toujours plus grande en fait. Il faudrait presque être humble sans le savoir. Alors évidemment c'est difficile, mais c'est la qualité qu'on reconnaît par exemple à l'innocence. L'innocent, c'est précisément la figure de celui qui ne sait pas qu'il est innocent. Il y a exclusion radicale entre le savoir et l'être, entre la conscience de ce qu'on est et ce qu'on est vraiment. Et vous pensez que ce que dit Jean Kelevitch de ses vertus, on va les explorer ensemble ce matin, et en particulier donc l'humilité, est quelque chose de praticable, puisque pour lui c'est ça l'enjeu d'ailleurs. Les vertus en tant que vertu, en tant que concept philosophique ne l'intéressent pas beaucoup. En revanche, la vertu, l'action vertueuse, la manière qu'a ce qu'on appelle la vertu de s'ancrer dans le quotidien, voilà qui l'intéresse. Et pourtant, ce que vous venez de dire, on se dit mais... Est-ce qu'on peut jamais être innocent? C'est dès qu'on sait qu'on l'est, on ne l'est plus. Pareil pour l'humilité, pareil pour la modestie. Ça entraîne un rapport à soi qui est biaisé. Alors oui, ça entraîne un rapport à soi qui est toujours en fuite, qui requiert un effort permanent, perpétuel du sujet vers lui-même. Et l'humilité, en fait, est un approfondissement de soi, c'est-à-dire une sorte de recherche de soi par-delà toutes les choses qui ne sont pas nous-mêmes. Celui qui n'est pas humble, celui qui n'est pas modeste, c'est celui qui a des représentations fausses sur lui. Et l'humilité corrige, en fait, soit par la force d'une situation, par un échec, force le sujet à se rendre compte qu'il n'était pas ce qu'il espérait être, qui en fait le rend à sa petitesse et à, au peu de choses qu'il est, à ce presque rien. Vous enseignez dans le secondaire et le supérieur, hein, Pierre Albon-Kutting, un follow. Vous êtes doctorant à l'ENS, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous êtes en train de terminer une thèse sur la notion d'existence chez Jean Kelevitch. Vous préparez un cahier de Lerne sur Jean Kelevitch. Donc Jean Kelevitch occupe beaucoup de place dans votre travail. Et quand on vous a invité pour venir parler du traité des vertus de Jean Kelevitch, c'est vous qui avez proposé la vertu, donc celle de l'humilité. Pourquoi cette vertu en particulier ? La réponse est un peu convenue, mais c'était le principal motif, c'est qu'en fait c'est une vertu qui est un peu inaperçue dans le corpus chez Jean Kelevitch, et c'est bien dommage parce qu'en fait elle a une importance assez décisive. Alors je dirais pas que c'est la vertu la plus fondamentale chez Jean Kelevitch, bien que son discours est toujours hyperbolique et qu'à chaque fois qu'on rencontre une vertu, c'est toujours la plus décisive. Oui, c'est ça, c'est toujours la centrale. Voilà. Mais ça, c'est propre à son style. Mais bon, après, une fois qu'on a, on a lu tout le traité des vertus, et ça prend du temps, qu'on a resitué, voilà, qu'on a resitué un petit peu les vertus et qu'on a compris un petit peu ce réseau de vertus, on est en fait obligé d'affecter à l'humilité une fonction particulière et une fonction, en fait, qui est peut-être plus importante ou en tout cas, dans un premier temps, plus importante qu'à toutes les autres vertus. Parce que l'humilité, elle a un rôle de préparation, un rôle de préméditation de l'acte moral, d'une certaine manière. Elle est une disposition qui permet au sujet d'être prêt quand l'occasion de l'acte courageux, de la générosité ou du pardon se présente. L'humilité, c'est la préparation d'un sujet qui est entièrement disposé à la grâce, à la charité. Mais c'est une dimension psychologique que vous pointez là. Oui, c'est une dimension psychologique. C'est pas forcément un problème, mais c'est pas directement moral. Voilà, tout à fait. Non, c'est pas un problème et cette dimension psychologique n'est absolument pas réfutée ou critiquée par Jean Kelevitch justement. C'est un travail sur soi, un travail de lucidité à l'égard de son propre moi. Un effort aussi d'épuration ou de purification. Il s'agit quand même de se dépouiller de toutes les choses qui viennent s'agréger autour du noyau que constitue le moi et qui vient en fait lui donner peut-être plus d'importance qu'il n'en a. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire parce que d'un côté on a l'affirmation de Jean Kelevitch qui dit que le « je », le « moi » prennent trop de place. Hein, j'ai lu ces extraits de la correspondance en début d'émission hein, où il dit ces gens qui sont hypnotisés par leur « moi », leur voyage, leur trip. Et puis ensuite hein, le personnage adipeux qui dit « je », « moi », « nous autres » qui intercepte le soleil et le chant des alouettes. Et pourtant, quand on parle d'humilité, il faut bien qu'il y ait un sujet. On l'a dit, il y a une épaisseur psychologique, donc ce moi ne peut pas disparaître. Il est peut-être haïssable, comme le dit Pascal, mais il joue un rôle. Alors, où Jean Kelevitch se situe-t-il dans sa conception, disons, de l'identité personnelle? Où est ce jeu? Est-il forcément haïssable? Alors, c'est une question très difficile parce que on comprend assez rapidement qu'il n'y aura pas de substance sur laquelle on pourra se reposer et à partir de laquelle on pourra ajouter des attributs pour constituer une identité personnelle. Ça ne marchera pas du tout comme ça. Par contre, on peut comprendre qu'il y a une opposition nette entre la personne que vous venez de décrire, c'est-à-dire le moi adipeux, cette sorte de monstre, l'égophage, on pourrait dire, celui qui absorbe tout, en fait, dans son moi, et se surreprésente ou surestime son propre moi. Et puis, de l'autre, un moi qui continue à exister, mais non pas comme quelque chose d'enflé ou de boursouflé, mais plutôt comme quelque chose qui s'est débarrassé de tout ce qu'il n'est pas, qui a une forme de lucidité par rapport à lui, c'est-à-dire un presque rien. C'est ce qui va constituer l'une des difficultés majeures dans le discours de Jean Kelevitch pour dire justement ce presque rien. Une fois dit que on était quelque chose, qu'on n'était pas rien, mais qu'on était presque rien, qu'on était un peu de choses, c'est-à-dire peu de choses, il faut quand même pouvoir dire cette chose. Mmh. Et ça, c'est une des difficultés qu'on retrouve un peu dans toute l'œuvre. Donc la réponse, en fait, à votre question, ce serait de dire, bien sûr, le jeu n'est pas rien. Il y a quelque chose qui est supposé quand même par la morale. Il y a un agent moral qui est minimalement requis pour qu'il y ait action morale. Mais en même temps, cet agent moral ne peut pas être l'égophage qui donc s'engraisse de toutes les choses qu'il n'est pas. Alors, Comment qualifier cet agent moral qui serait tout à fait réduit, donc après réduction? Tout simplement, en fait, ce serait ce que Jean Kalevitch appelle le soi. Il distingue le moi du soi pour éviter de tomber dans des problèmes de lexique ou de vocabulaire et pour éviter les confusions. On pourrait considérer que ce qu'il reste du moi après sa cure d'amaigrissement, c'est le soi. C'est une expression de Jean Kalevitch. Et c'est une expression de Jean Kalevitch. Cure d'amaigrissement moral. Oui. Alors, ce qu'il en reste, voilà, c'est peu de choses, mais c'est la possibilité de l'amour. Il le dit très bien, par exemple, dans un autre texte que le Traité des Vertus, dans le paradoxe de la morale, le résultat ou la règle finale du paradoxe de la morale, c'est faire tenir le plus d'amour possible dans le minimum d'être. Minimum d'être, c'est-à-dire que le jeu continue à exister. Donc il y a certes un paradoxe, il existe très peu, mais il existe quand même. Évidemment, si on abolit l'agent moral, il n'y a plus de possibilité de l'action morale. Et pourquoi faudrait-il qu'il existe le moins possible? Pourquoi presque rien? Pourquoi s'excuser d'exister? Alors là, c'est difficile de répondre à cette question, parce qu'on est toujours quelque chose, on a toujours une forme d'ambition à l'égard de soi-même, ou même des prétentions à l'égard de soi-même. Mais alors justement, ce que dirait Jean Kalevitch, c'est qu'à chaque fois, tout ça, c'est faux. Et l'expérience commune, en fait, le prouve à chaque fois. On n'est jamais à la hauteur de la relation qu'on doit à l'autre. On n'est jamais à la hauteur, même plus trivialement, de l'examen qu'on a passé mais qu'on n'a pas eu. On n'est jamais à la hauteur de toutes les situations qui se présentent. Donc là, on n'est pas loin de l'humiliation. C'est pas l'humilité là. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à la hauteur. On déçoit toujours. On se déçoit. C'est dur. C'est dur. C'est très difficile. Mais en fait, c'est en l'acceptant qu'il est possible de trouver la morale comme horizon. Et si je reviens sur cette idée de condition de la morale, à savoir qu'il faut quand même un agent moral qui existe, ben en fait, Jean Kalevitch qualifie ce presque rien d'être que nous sommes, par-delà les ambitions scientifiques, métaphysiques, éthiques, le fait, c'est-à-dire par exemple, d'avoir une liberté exorbitante, on peut tout faire. On peut tout faire à tout moment. La science nous offre un pouvoir exorbitant aussi sur la nature. Donc ça, ce sont plein de choses qui ne nous poussent pas à être humble. Mais en fait, par-delà ces prétentions, ces orgueils-là, on peut revenir à quelque chose de plus sain, qui est en fait la disposition à aimer l'autre, la disposition à aimer toujours, puisque l'humilité, c'est considérer qu'on est moins que l'autre. Évidemment, réellement, on vaut tous la même chose. Et on vaut beaucoup, en fait, parce que notre valeur est infinie, nous sommes uniques, nous n'arriverons qu'une fois dans l'histoire. C'est ce que nous dit Jean Kalevitch, c'est ce qu'il qualifie d'ipséité. L'ipséité, c'est l'occurrence d'une chose une fois dans le temps. Nous sommes tous des ipséités. Nous pouvons tirer donc de ce constat métaphysique une valeur morale, une valeur infinie, qu'on appelle la dignité. Et cette dignité, en fait, on l'honore et on la célèbre, en justement ne l'ensevelissant pas ou en ne l'oubliant pas derrière des qualifications ou des attributions qui ne sont pas nous, qui ne sont pas les nôtres. Et ça conduit donc à une forme d'anomalie grammaticale. Je suis peu de choses, je suis rien. C'est-à-dire que le verbe être ne signifie même plus ce qu'il signifie habituellement. Nous sommes plus vraiment quelque chose de substantiel. Mais Laure Barillas, à votre place hier, disait que le traité des vertus de Jean Kalevitch avec pour conception morale, non pas la prise en compte d'autrui comme fondement de la morale, enfin ce qu'on trouve dans l'éthique de Lévinas par exemple, mais au contraire un rapport à soi, à ce fameux soi, ce fameux presque rien. Et j'ai l'impression que ce que vous dites ne va pas dans le même sens, mais peut-être y a-t-il deux lectures différentes de Jean Kalevitch, ou deux Jean Kalevitch différents. Alors il y a deux lectures possibles, mais en fait qui se synthétisent. L'humilité apparaît traditionnellement comme une vertu individuelle. C'est un travail de soi sur soi, bien que ça peut être produit par une situation. Voilà, on est forcé d'être humble dans une situation qui nous l'impose. Mais en tout cas c'est un jeu entre soi et soi-même. Mais ce que dit Jean Kalevitch, c'est que non seulement c'est un travail sur soi, mais en même temps, c'est la préparation de la relation. C'est-à-dire que c'est à la fois une vertu qui est individuelle et une vertu relationnelle. Elle l'est au sens où elle prépare l'amour. Alors pourquoi elle prépare l'amour? Parce que l'amour, c'est tout devoir à l'autre, tout donner à l'autre, sans rien prendre pour soi, donc sans capitaliser en fait de choses qui ne sont pas nous, en reconnaissant que notre valeur est toujours inférieure à celle de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle on doit toujours tout à l'autre en permanence. Et c'est ce qui conduit aussi Jean Kalevitch à poser comme horizon de sa propre morale le sacrifice. Alors là, la contradiction est telle que dans le sacrifice, il n'y a plus d'amour possible. C'est l'amour à son plus haut degré, c'est l'amour paroxystique, mais qui s'achève justement dans l'impossibilité de la relation. Pour aimer, il faut au moins être deux. Le sacrifice, en fait, annule ou détruit l'un des deux termes de la relation. Mais pour qu'il y ait amour, il faut aussi se reconnaître comme étant inférieur à l'autre. C'est la raison pour laquelle l'autre a tous les droits et que moi, je n'en ai aucun. On va procéder avec Jean Kilevitch par distinction conceptuelle. C'est ainsi qu'il procède au début du chapitre sur l'humilité dans son traité des vertus. Voici ce qu'il appelle la fausse humilité. Alors pour essayer de préciser, on allait aussi glaner d'autres textes de Jean Kilevitch. C'est un extrait de quelque part dans l'inachevé. Et voici comment il distingue l'humilité de la fausse humilité. Il existe des vertus secrètes qui sont littéralement assassinées, nihilisées et d'un seul coup par la conscience même qu'on en prend, comme par exemple la modestie, le charme ou l'humour. Il n'en reste rien. Cet homme charmant était un charmeur, c'est-à-dire un pitre. Cet homme si plein d'humour était un humoriste, c'est-à-dire un clown. Cet homme effacé et modeste, un vaniteux subtil qui a trouvé le moyen d'attirer et de collecter les louanges. Mais la vanité ne s'en tient pas là. Ce n'est pas seulement la fausse modestie qui guette le modeste, mais aussi l'aveu qu'il en fait, et qui est en réalité un alibi diabolique de la vanité, une indécente contrition. Cet aveu pourrait facilement servir de prétexte justificatif à l'exhibitionnisme, car les exposants de la conscience complaisante se compliquent à l'infini. Fausse modestie, fausse humilité, fausse vanité, tout est faux semblant et faux monnayage. Dans quelle mesure doit-on simplement, ingénument vaniteux, dire « je » avec une humble sincérité? Dans quelle mesure cacher ce « je » haïssable que l'on saurait voir? Comment serait-on pudique sans afficher et professer notre pudeur? Comment ne pas tenir bazar de modestie? À partir de quel degré de litote devient-elle une marchandise pour les professionnels spécialisés dans la modestie? Sur Paris-Ville, j'ai plus un client. Il y en a même quand j'arrive qui baisse le rideau de fer. Plus ça va, plus je m'enfonce. La périphérie, bientôt la province. Un jour l'étranger. Puis on ne verra plus du tout. Tu sais, comme dans les squares, ces vieux marchands de coco qui intéressaient plus personne, un jour ils ont fini par disparaître. Ce sera peut-être temps que je fasse comme eux. Pourquoi vous dites ça, monsieur Antoine? Elle a raison, pourquoi tu dis ça? Ce que vous voulez que je dise, je vois un truc dont personne ne veut. Il n'y a qu'à me piquer ou me foutre un pavé au cou. Bon, ça va, marque-moi pour une caisse. Pourquoi une caisse? Tu me fais la charité, là? Mais enfin, merde, tu sais bien que c'est pas vendable. Je te demande pas de vendre, je te demande d'acheter. Comment réussir quand on est con et pleurnichard? C'est Michel Audiard sur France Culture, les chemins de la philosophie, un prêt à texte de Jean Kilevitch qui essaie de définir ce qu'est la fausse humilité. On en a une preve dans cet extrait, Pierre-Alban Gutkin, Gain Follow. Je sais pas si vous avez vu le film d'Audiard qui date de 74. Non. Eh bien, dans ce film, justement, le personnage s'appelle Antoine Robineau, Jean Carmet, qui est une espèce de démarcheur de boissons qui vend des boissons mais infectes et imbuvables, a trouvé une bonne technique pour vendre sa boisson, c'est qu'il se plaint. Il s'apitoie sur son propre sort, il se fait passer pour le plus malheureux de la Terre, donc forcément, la personne en face dit « Allez, d'accord, je t'achète une caisse ». On est là exactement dans ce que... Et Jean Kilevitch fait la distinction entre l'humble et celui qui s'apitoie. Celui qui se plaint sur son sort ne peut pas être quasiment plus opposé de la personne qui, elle, serait authentiquement humble, nous dit-il. Oui. Là, je viens de faire l'expérience d'une forme d'humilité, d'ailleurs, hein, parce que je ne connais pas... Je connais sans avoir vu le film. Donc, on peut pas avoir lu tout Jean Kilevitch, avoir vu tous les Audiard, c'est normal. Ah, si, normalement, on devrait, mais... Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, là, c'est un professionnel de l'humilité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'intention pure et qui n'est pas du tout moral. C'est en fait un talent de commerçant, presque, que vous décrivez, et pas du tout tout, pas du tout le talent exceptionnel de l'agent moral. À partir du moment où l'intention est impure, à partir du moment où elle est corrompue par une forme de calcul ou par une forme d'intérêt, il n'y a plus de morale. La morale s'évanouit. C'est ce qui fait l'hétérogénéité de la morale avec toutes les autres formes de comportement qu'on peut avoir avec les autres, y compris politique d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de continuité, comme on pourrait le croire, entre la morale et la politique chez Jean Kelevitch, précisément parce que dans la politique, c'est une intention qui est déjà déterminée par un certain calcul, celui de l'échange par exemple, celui du contrat, celui du respect de l'autre, mais à qui l'on doit le respect parce qu'il nous doit le respect, ce qui n'est pas du tout le cas de la morale. La morale, en fait, part d'une intention qui est absolument pure, et à partir du moment où la conscience s'empare de son objet, tout est fichu et en fait on perd la pureté et la beauté de la vertu. Mais ça veut dire que la pureté est première chez l'homme. Nous avons un fond pur en nous. Nous avons un fond pur, en tout cas on a la possibilité de l'être toutes les fois que nous prenons une décision. Alors plus on est spontané, plus on a de chance de l'être évidemment. Plus la conscience s'en mêle, plus la quête est difficile. Mais en tout cas c'est ce que représente, et c'est ce dont on parlait en début d'émission, l'innocence. Et de ce point de vue, Jean Kelevitch utilise une métaphore qui me paraît vraiment très parlante pour expliquer justement cette exclusion de la conscience de ce qu'on est et de ce qu'on est réellement. C'est une métaphore, la métaphore du papillon, ou une allégorie même du papillon et de la bougie. Le papillon virevolte autour de la bougie et il est avide de savoir ce qu'est le feu de l'intérieur, ce qu'est la bougie de l'intérieur, mais en fait il ne le peut pas. Soit il est spectateur de cette bougie, soit il entre dans la bougie et se consume en elle, c'est-à-dire disparaît comme papillon. Donc en fait il y a impossibilité de lier ce qu'on est et ce qu'on sait être. C'est ce que dit très bien, très joliment une formule d'Angelus Silésius, qui est un mystique rhénan que Jean Kelevitch cite régulièrement. Ce que je suis, je ne le sais pas, et ce que je sais, je ne le suis pas. C'est une image très importante pour Jean Kelevitch, celle du papillon et de la bougie, oui, qui semble indiquer la difficulté de se tenir à la bonne place, au fond, ni trop près, ni trop loin. Et c'est comme si chaque philosophe avait un peu sa métaphore pour signifier ça. On pense au porc-épic de Schopenhauer, toutes ces images qui laissent entendre qu'au fond, rien n'est plus difficile, et c'est peut-être là l'enjeu de l'éthique ou de la morale, que de savoir à quelle place se situer, selon des critères différents d'ailleurs, selon que ce soit le bien ou le mal. Oui, bah, occuper le moins de place possible pour Jean Kelevitch, voilà le principe qu'il faudrait faire sien, justement, pour reconnaître à l'autre sa supériorité en tant que dignité à laquelle je dois tout. Mais le moins de place possible, il y a quelque chose d'un héritage, comment il faut l'entendre, d'un héritage chrétien, c'est quelque chose qu'on peut relier à cette veine-là? Oui, on peut le relier à cette veine-là, mais pas à n'importe quel christianisme. Il y a dans le chapitre consacré à l'humilité dans le Traité des Vertus, il y a tout un débat avec les différentes versions, les différentes compréhensions de l'humilité. Alors celles qui ne sont pas chrétiennes, qui seraient donc plutôt liées à l'Antiquité grecque, même si le terme en fait d'humilité n'est pas vraiment connu des Grecs, pour plusieurs raisons. Et puis également donc une humilité plus chrétienne, mais en même temps qui n'est pas une humilité pour la montre, une humilité qui s'exhibe par exemple la souffrance publique ou l'autoflagellation. Et de ce point de vue-là, il faudrait opposer d'un côté la pudeur monachique avec l'exhibition de la mendicité des ordres mendiants qui errent dans les rues pour faire justement profession de mendicité. Cette place-là occupée est forcément inconfortable. On est dans quelque chose, vous parliez d'une espèce de contradiction permanente, comme si on n'était jamais tranquille. L'oscillation qu'émettant Jean Kelevitch, on la retrouve dans sa morale au fond. Bien sûr, en fait, le confort est une catégorie profondément bourgeoise pour Jean Kelevitch. Et le bourgeois, c'est celui qui privilégie son bien-être et sa tranquillité par rapport à celle des autres. Et c'est tout à fait contraire, en fait, à cette éthique en mouvement, dynamique, qui recherche en permanence à tout devoir à l'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas capitaliser de bonnes actions, on ne peut pas être un peu gentil, un peu généreux. À partir du moment où on l'a été une fois, on doit l'être à nouveau. On ne peut pas considérer que parce que on s'est bien comporté, nous n'avons plus à bien nous comporter. Donc de ce point de vue-là, la notion de confort est parfaitement étrangère à la morale jankélévitchienne. Elle est même le concept repoussoir d'une certaine manière de l'effort qu'il n'arrête pas de valoriser et d'encourager. Et je rebondis sur le terme de bourgeois que vous avez employé. C'est une classe sociale ou une manière d'être ici le bourgeois? Alors c'est une classe sociale qui devient une catégorie, une catégorie. C'est une manière morale. De vous interroger sur la dimension politique, évidemment, hein, de ce que dit Jankélévitch. Tout à fait. Alors voilà, là oui, la figure du bourgeois est toujours contestée, toujours critiquée chez Jankélévitch, que ce soit le bourgeois qui croit faire des aventures dans l'aventure ennuie le sérieux, alors qu'en fait il n'est que quelqu'un qui prépare son voyage et qui n'a absolument rien d'aventureux, que ce soit celui qui considère que la valeur de son être doit être indexée sur ses propriétés, c'est-à-dire qu'il confond le propriétaire et les propriétés, que ce soit celui qui pense qu'on peut capitaliser par une somme arithmétique les bonnes actions pour considérer qu'on est une personne morale, etc. En fait, toutes ces qualifications du bourgeois, en fait, sont toutes les catégories repoussoires de la morale jankélévitchienne, à laquelle il substitue en fait une morale dynamique. Les hommes égaux en dignité s'inégalisent par leur mérite et leur labeur. On conçoit dès lors que la morale de l'ipséité ne recèle aucun principe de complaisance, bien qu'elle dégage en nous la dignité de l'être, qui semble statique, et non point le mérite de faire. Il y a certes quelque chose de piteux et d'assez vil dans une éthique de l'être qui flatte en nous le contentement béat d'exister. Mais la répugnante paresse commence surtout avec ceux qui réduisent l'être à la manière d'être, et la dignité à la profession. L'éthique nobiliaire ou raciale, par exemple, entretient les bourgeois dans la stupide vanité d'être ce qu'ils sont. Cette satisfaction inepte, jointe à la conviction d'appartenir à une élite, suppose une sorte de prédestination biologique qui fait le fond des valeurs féodales. Il n'y a, parbleu, aucun mérite spécial à être ce qu'on est, pas plus qu'à faire un héritage ou à exister confortablement dans sa définition. Avouons à ce compte qu'un fait naturel ne saurait revendiquer cette valeur de droit qui s'attache uniquement à l'effort. Pas plus qu'on ne naît dans le péché, on ne naît dans la vertu. Et la noblesse de sang est une manière de parler, tout comme la culpabilité héréditaire, une métaphore. Je ne regrette pas mon parcours, ça, c'est... parce que alors là, ça serait comme Dieu au septième jour, et Dieu vit que c'était beau. Je connais pas très bien la Bible, mais je crois qu'il dit ça à Dieu. Lorsque le boulot est terminé, excusez-moi, ce langage vulgaire, il vit que c'était bien. Je sais pas comment ça se dit en langue originale. Enfin, il vit que c'était bien. Mais moi, je suis pas le bon Dieu, et je peux pas dire, comme le Seigneur, devant les œuvres des sept jours, de l'Hexaméron, des six jours, mon Dieu, que c'est beau ce que j'ai fait. Les peintres, peut-être, regardant dans une galerie de tableaux leur œuvre, si Picasso pouvait revenir dans ce monde pour regarder l'immense exposition qu'on va faire, n'est-ce pas, dans quelques jours. Oh, il les a vus de son vivant, lui. Il les a vus de son vivant. Ben, peut-être en tirera-t-il une grande. Enfin, c'est satisfaction. Mais moi, pour moi, c'est funéraire, cette satisfaction. La satisfaction de ce qu'on a fait est funéraire, funèbre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Jankélévitch cette semaine et nous lisons son traité des vertus. Aujourd'hui, l'humilité, en compagnie du philosophe Pierre-Alban Gudkin-Guinfolo. L'humilité, quand on l'écoute, comme à l'instant au micro de Jacques Chancel, hein, c'était en 1969, c'est d'abord ce qui le caractérise, non? Oui, alors là, on peut quand même se demander s'il n'y a pas un peu de fausse modestie. Ah, dans... du cabotinage, non. Ouais, bon, c'est un peu le spécialiste hein, de ce genre d'attitude, mais bon, c'est peut-être aussi pour montrer l'exemple, pour qu'on comprenne un petit peu ce dont il est question. Alors, Jankélévitch connaissait très bien la Bible, l'Ancien Testament, il n'avait absolument aucun problème à le lire, dans toutes ses versions d'ailleurs. Donc oui, un petit peu de fausse modestie, mais effectivement, c'est un trait de caractère aussi chez Jean Kelevitch, l'humilité, dans la mesure où quand on lit des ouvrages comme ce que vous avez fait au début, à savoir sa correspondance avec Louis Bauduc, on se rend compte en fait que c'est quelqu'un qui n'est pas si sûr de lui, qui n'a absolument jamais le destin de ses livres en main, alors soit parce que ce sont les éditeurs qui s'interrogent sur l'intérêt ou pas de publier ses œuvres, il s'interroge aussi beaucoup sur la manière dont le public reçoit ses œuvres, et il y consacre un temps infini. Par exemple, le traité des vertus repose sur une écriture de plus de 10 ans. Donc en fait, ça fait partie aussi de ses caractéristiques personnelles, de ses traits de caractère personnels. En fait, c'est pas si anecdotique de retrouver l'humilité sous la plume de Jean Kelevitch, parce que c'est pas tellement une vertu qu'on retrouve dans d'autres corpus. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que dans le christianisme c'est relativement important, mais ça n'est par exemple pas une vertu théologale. Donc ça n'est pas non plus une vertu qui est aussi... Alors les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et... Ce sont des vertus qui sont liées à la théologie en tout cas. Voilà, ce sont des vertus qui sont liées à la relation à Dieu. Ces vertus théologales font partie d'un corpus constitué de vertus, et l'humilité est toujours un peu marginale par rapport à ces vertus. Donc ça n'est pas si anodin que Jean Kelevitch termine un volume de son traité des vertus sur cette vertu. Et dans le texte que j'ai lu, qui est un extrait de première et dernière page, qu'on trouve aux éditions du Seuil, on entendait à quel point Jean Kelevitch essayait de distinguer... Enfin, il commençait en disant « les hommes sont égaux en dignité, et ils s'inégalisent par leur mérite et leur labeur ». Il était difficile de ne pas entendre une dimension plus politique, hein, cette fois-ci quand même, dans ce texte, même s'il le dit bien, on parle de la culpabilité héréditaire, eh bien, mais comme une métaphore, la noblesse de sens est une métaphore, mais on entend cette idée très claire, hein, il dit bien au fond, on n'est pas vertueux, on le devient, que c'est un travail, que c'est pas inné la vertu. Oui, en fait, ce qu'on entend dans ce texte, c'est beaucoup de distinctions. C'est un texte vraiment très dense. Il y a une distinction entre l'être et l'avoir, donc entre ce que je suis et ce que je peux prétendre posséder, et puis aussi entre ce que je peux faire et ce que je ne fais pas. Et évidemment, ce qui relève de la morale, c'est le fait de toujours être en acte, toujours être disposé à l'action morale. De ce point de vue-là, la distinction entre le faire et le non-faire ou l'absence en fait d'action morale discrimine entre deux types d'individus, entre le bourgeois donc et l'agent moral. Donc tous les êtres en fait sont égaux. Ils sont égaux précisément parce que l'existence est donnée. L'existence est un donné. Voilà. Une autre expression de Jean Kelevitch, c'est on ne se donne pas la peine de naître. C'est quelqu'un d'autre qui se la donne pour nous. Donc en fait, on est déjà là. On est déjà posé, on est déjà donné à nous-mêmes. Donc on ne peut pas tirer une forme de fierté d'être ce qu'on est. En revanche, on peut, non pas s'enorgueillir, mais célébrer ce fait unique de notre existence. Et on peut célébrer aussi le fait unique de l'existence de l'autre. Et c'est ça que signifie le faire, c'est la relation de moi-même avec l'autre, avec le toi, cette extroversion qu'il appelle l'amour de soi vers le toi, et qui justement célèbre, honore en permanence la valeur infinie de la dignité de l'autre personne. Et c'est précisément en aimant l'autre qu'on se constitue soi-même comme agent moral et donc comme ce presque-être qu'on cherche depuis le début. Mais comment le philosophe qu'il est justifie-t-il cette célébration de l'existence ? Au fond, si c'est pas juste une morale chrétienne, on pourrait très bien constater que nous sommes sans en faire une fête. Mais alors dans ce cas-là... Constater qu'il y a autrui sans forcément prôner l'amour pour autrui. Vous voyez, quel est le fondement de cette éthique-là ? Alors, c'est une déduction qui peut étonner. On peut parler même d'une pétition de principe, et c'est ce que fait d'ailleurs dans le texte que vous avez lu Jean Kelevitch. Il parle de la pétition de principe obligatoire, à savoir de considérer que ce qui est unique a une valeur infinie. Et à partir de là, on est obligé de considérer que dans la relation, on doit tout, et on doit célébrer cette dignité qui est donc déduite du fait de l'existence, de l'unicité qui est constatée empiriquement, en fait. Voilà, c'est lui qui décide, en fait. Enfin, ah, c'est... Oui, qui prend une décision. Alors, il prend cette décision, mais dans un basculement, c'est-à-dire qu'on passe d'un fait, le fait de l'existence, qui est un fait métaphysique, qu'on ne s'explique pas, en fait, hein, on est posé là, à la dimension morale, qui donc, en fait, donne une valeur à l'existence, donne une valeur à l'être. Jean Kelevitch était-il un lecteur de Pascal ? Ah oui, c'est un très grand... Beaucoup d'échos, le moi est haïssable, même vous avez dit, on est là, on est posé là, c'est le fameux « nous sommes embarqués » de Pascal. Oui, c'est un très grand lecteur de Pascal, et puis il lui emprunte aussi cette dimension un peu moyenne de la condition humaine. Par exemple, le milieu chez Jean Kelevitch n'est pas le juste milieu de la vertu aristotélicienne, par exemple, mais c'est plutôt en fait cette condition intermédiaire de l'homme qui donc n'est ni un ange ni une bête, qui en fait oscille un petit peu entre ces deux conditions, mais toujours dans une forme de marécage où il est difficile en fait de s'en extraire, de se réaliser. En fait, il dit les hommes sont égaux en dignité, mais on a l'impression que nous ne sommes pas tous égaux en vertu. Alors comment cette inégalité intervient ? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas tous égaux dans le développement de soi, dans l'amaigrissement moral, on n'arrive pas à se délester des kilos de l'ego de la même manière pour avancer sur le chemin de la morale ? Où intervient l'inégalité au fond ? L'inégalité, elle intervient très tôt. Elle intervient dans la préparation et dans la réalisation. Donc, dans la préparation de l'humilité, puisque finalement, donc, il faut se déprendre ou se dépouiller de tout ce qui n'est pas nous. Et donc là, il peut y avoir déjà une première inégalité qui se manifeste tout simplement par le fait que certaines personnes considèrent qu'elles sont davantage que ce qu'elles sont et d'autres se considèrent pour ce qu'elles sont elles-mêmes. Donc là, il y a la vertu de la sincérité qui apparaît, donc de transparence à soi-même. Donc là, il y a une première inégalité qui peut se constituer, mais dont on ne peut jamais évidemment s'enorgueillir. Et puis ensuite, une inégalité dans l'action morale, c'est-à-dire dans l'effectivité de la morale, comme le courage, par exemple, ou dans le fait de pardonner ou d'être généreux, qui peut encore inégaliser les êtres entre eux. Mais ça n'est pas une inégalisation qui se substantialise et qui peut permettre une sorte de supériorité d'un sujet sur l'autre. Justement, le principe de l'humiliation, c'est de toujours se soumettre à la valeur infinie de l'autre, même si nous aussi, théoriquement, nous avons la même valeur, puisque nous aussi, nous sommes un fait unique. Nous sommes aussi une ipséité. Il ne faut pas oublier que l'humilité, pour Jean Kelevitch, s'inscrit, non seulement c'est une vertu d'intervalle, pas de commencement, mais qu'elle s'inscrit dans un temps long. C'est pas une action unique, c'est vraiment, il faut l'étirer dans la durée même de l'existence. Tout à fait, il y a une opposition transversale, en fait, entre deux types de vertus, les vertus qui relèvent de l'instant, comme le courage, par exemple, qui suppose de saisir l'occasion quand elle se présente, et puis des vertus de maturation, de préparation, comme l'humilité, qui prennent du temps, qui font ressentir, d'ailleurs, le temps, comme une expérience parfois difficile et douloureuse, puisque le travail sur soi de l'humilité est une épreuve. Et donc, en fait, c'est tout le travail qui s'accumule et qui rend disponible à l'action morale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vraiment humble, on est préparé à la morale. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, cette vertu est si importante. Il y a de la morale avant la morale. Et il faut être d'abord humble avant de pouvoir être courageux, avant de pouvoir pardonner, avant de pouvoir être généreux, avant de pouvoir aimer. Et donc, tout l'enjeu en fait de ce développement sur l'humilité, c'est de montrer en fait que tout ce réseau de vertus qui est développé dans le traité des vertus, en fait suppose un certain type de vertu, cette vertu propédeutique en particulier qui est l'humilité ou la modestie, mais qui est la face visible en fait de l'humilité. En fait, c'est un peu le satellite de cette terre de l'humilité, parce que étymologiquement humilité ça veut dire la terre. Enfin, humi ça vient du latin qui signifie le sol ou la terre. Il y a des vertus qui gravitent autour. Elles préparent à toutes ces vertus qui gravitent autour, comme la modestie qui donc serait en fait la face visible de cette vertu profonde qu'est l'humilité. Énumérons les arrière-pensées suspectes, impures et si profondément orgueilleuses, qui se cachent dans un certain goût de l'humiliation humiliante et de la situation humiliée. La première de ces pensées inavouables est un masochisme qui n'a d'humble que le nom. L'homme, dont la vocation est d'affronter, de devancer et de faire face virilement, cet homme goûte à la situation inverse, qui est d'attendre et de subir. Le créateur joue et jouit d'être cobaye. L'agent, dans sa curiosité suspecte, joue et jouit d'être patient. Celui qui est fait pour donner joue et jouit de recevoir. Dans tout dolorisme, comme en général dans le plaisir de souffrir et de redevenir substrat passif, on reconnaît la même ambiguïté masochiste. Il n'y a pas à se dissimuler qu'un masochisme de ce genre fait fond de certaines humilités chrétiennes. « Je ne suis qu'ordure, infection et puanteur », écrit le dominicain espagnol Louis de Grenade. le fanatisme même de ce langage, le passionné dégoût de soi qu'il exprime, trahissent bien l'intention suspecte et ambivalente. Marcher à quatre pattes, faire le gamin ou le petit chien, recevoir le fouet, ce n'est pas là être humble. À cette comédie grotesque et méprisable se ramène pourtant en grande partie la dévotion des flagellants et de tous les hommes que dévore la passion de l'auto-nihilisation. Allez, frappe, vieille pute! Plus fort! Encore! Oui, comme ça! Plus fort! Oui! Je suis un porc! Je suis une ordure! Frappe! Salombière! Allez! Je suis pourri! Je suis lépreux! Encore! Attendez, non, ne partez pas! Mais que les moines restent au moins! Allez! Vas-y! Encore! Oui! Laissez-le moi, chère madame. Oui, emmenez-le. Et merci de votre accueil. Il aime les coups. Je vais lui en donner. Calmez-vous, mon père, calmez-vous. Vous allez vous reposer. Par ici. Là. Voilà. Et c'est le cinéaste Louis Buñuel qui adresse à Jean Kelevitch une objection que lui-même d'ailleurs avait formulée dans le texte. Mais si on lit un peu Jean Kelevitch sur l'humilité, mais aussi dans son traité des vertus en général, et on l'entend réduire le soi à ce presque rien dont vous parliez il y a un instant, et dont on parle depuis le début de l'émission, de cette manière de se faire toujours passer après autrui, on peut se dire qu'en effet, il y a comme un rapport doloriste à soi, voire même une forme de masochisme. Et que les auditeurs qui nous écoutent depuis le début de l'émission se rassurent, en effet, Jean Kelevitch non seulement emploie le mot, mais il répond à cette objection-là. Non, ce n'est pas du masochisme. Pourquoi ? Non, ce n'est pas du... non, ça n'est pas du masochisme. Et c'est même un amour de soi. C'est au nom de l'amour de soi qu'il faut se considérer pour ce qu'on est et non pas pour ce qu'on n'est pas, justement. Le masochisme, en fait, c'est une erreur. C'est une erreur qui consiste à trouver du plaisir dans l'exhibition de la souffrance ou dans sa propre souffrance. Donc, en fait, c'est une arrière-pensée. C'est une intention qui est parfaitement impure parce que la manière dont la vertu se réalise, c'est une vertu qui est considérée comme intermédiaire, c'est-à-dire comme une raison en vue d'une autre fin, un moyen en vue d'une autre fin que celle qu'on s'était donnée immédiatement. Le masochiste, c'est celui qui donc prend plaisir à sa douleur, c'est-à-dire qui n'est pas sérieusement, purement dans la douleur. C'est celui qui pense que on peut se contenter de montrer la douleur, ou qu'on peut se faire mal de temps en temps pour considérer que on a épuisé notre crédit de mérite et qu'on peut dès lors considérer qu'on peut rebasculer vers le plaisir. Mm-hmm. C'est une logique en fait qu'il identifie très tôt dans son œuvre, hein, cette logique entre le plaisir et la douleur dès 1933 dans La mauvaise conscience. Il y a déjà un démantèlement de cette illusion qui consiste à voir que la douleur, c'est souvent l'alibi du plaisir. Parce qu'on a trop profité, on se dit que ça ne peut pas durer et que par conséquent, il faut qu'on se punisse. Et l'autoflagellation, surtout quand elle est rendue visible, est justement en fait une manière de laisser croire aux autres qu'on souffre plus qu'eux et que par conséquent, on peut peut-être tirer quelque chose d'une relation qui est parfaitement biaisée. Et Jean Kelevitch reprend en fait cette idée de manière encore plus profonde, je trouve, dans l'austérité et la vie morale. Cette vie morale, justement, qui est permanente, hein, justement, notre vie est suspendue à la morale, nous ne vivons que d'être des êtres de moralité, sinon nous ne vivons plus. Donc en fait, l'effort moral n'est pas un effort intermittent, c'est un effort permanent, un mouvement infini vers la morale, et qui suppose, ou qui pourrait supposer, quelque chose comme l'austérité. Mais en réalité, cette austérité, il faut pas que ce soit une mauvaise austérité. C'est pas une austérité, justement, qui serait une austérité du dimanche matin. Souvent, Jean Kelevitch condamne les chrétiens du dimanche matin, c'est-à-dire qui ne sont croyants qu'une fois la semaine. Et en fait, il substitue une sorte d'effort permanent et sincère. Pas du tout une forme d'exhibition donc de la douleur. Oui, en fait, il fait quand même comme si le masochisme était un choix. Or, c'est souvent une névrose. Enfin, c'est pas quelque chose. On décide pas de jouir de la douleur. Oui, alors là, il faut aussi peut-être resituer un petit peu le propos de Jankélévitch. Ce que Jankélévitch appelle masochisme ici, c'est le fait de prendre du plaisir à la douleur, c'est-à-dire reconnaître en fait que il y a une sorte d'astuce psychologique qui consiste à se satisfaire de la douleur vécue. Et donc en fait, il ne dit pas autre chose que ça. Il n'entre pas dans un débat, par exemple, avec la psychanalyse, bien que son père ait traduit Freud. Hein, c'est le premier traducteur de Freud en France, mais en fait non, il n'entre pas dans ce débat. Il prend ici le terme de masochisme dans un sens très très large. Mais il y a quand même, s'il n'y a pas de masochisme, il y a une forme d'humiliation. Humilité, humiliation ont la même racine, alors quelle différence entre les deux ? Alors, on pourrait dire que l'humilité, c'est l'horizon jamais atteint de l'humiliation. L'humiliation, c'est le processus, c'est-à-dire en fait le mouvement du sujet vers son propre être, débarrassé donc de tous les attributs qui ne devraient pas lui être affectés. Donc en fait, il faudrait articuler plutôt que confondre ou opposer humiliation et humilité. Il faudrait comprendre que c'est le chemin ou l'épreuve, l'humiliation, qui mène à l'humilité. Mais triste nouvelle, hein, qu'on n'atteindra évidemment jamais. Mais là encore, on pense à la figure du Christ, qui lui vit l'humiliation de plein fouet, si j'ose dire. C'est un exemple que Jankélévitch utilise beaucoup dans le chapitre sur l'humilité. Sans le dire, d'une certaine manière, il parle de la kénose christique, c'est-à-dire de la perte de tout, enfin de certains attributs divins dans le Christ fait homme, c'est-à-dire qui s'inscrit dans l'histoire, dans la temporalité, donc non plus dans l'éternité, qui perd son immortalité et qui en fait est humilié de manière régulière dans les épisodes qui nous sont rapportés de son existence. Donc effectivement, il y a quelque chose comme un paradigme qui est employé à titre d'image par Jankélévitch pour signaler ou pour indiquer ce qu'est cette humiliation. Le problème, c'est que par imitation, on a souvent tendance à, pour la montre, se sentir humilié ou vivre l'humiliation pour faire comme le Christ. Mais en fait, il faudrait que ça soit une intention profonde et pure, et non pas une intention de pure copie ou de pure mime. C'est là toute la différence, en fait, entre le faux modeste ou la personne qui est faussement humble et la personne qui l'est authentiquement. Mais est-ce que vous pensez que le type d'analyse qu'il livre ici dans ce traité des vertus et surtout dans ce chapitre sur l'humilité peut être accessible et parler surtout à quelqu'un qui n'a pas du tout ce registre d'éducation religieuse ou de morale chrétienne, parce qu'au fond c'est quand même très très présent, d'ailleurs de manière étonnante. Je sais que c'est après la Seconde Guerre mondiale que Jankélévitch investira davantage les études juives, parce que lui-même est juif de naissance en tout cas, mais là c'est extrêmement présent, il y a quelque chose qui est complètement à contre-courant. Même du travail philosophique au moment où lui écrit, en France, c'est la phénoménologie qui bat son plein, et lui écrit un traité des vertus à tendance dominante de morale chrétienne. Oui, enfin, puis en citant Saint François de Sales, Saint François d'Assise, Fénelon, enfin en fait des références qui ne sont pas anachroniques parce qu'elles sont toujours d'actualité, mais des références qui ne sont pas du tout en usage à cette époque effectivement. Je pense pas qu'il y ait un obstacle de lecture particulier pour toute personne qui pourrait avoir dans ses mains le traité des vertus. Je pense pas que ça soit un problème ou une difficulté. En fait, c'est plutôt une manière de restituer l'histoire de l'humilité comme vertu, et puis ensuite de se démarquer de cette histoire. C'est une vertu qui apparaît quand même avec les auteurs chrétiens, mais c'est aussi une vertu de laquelle en fait Jankélévitch c'est une compréhension dont Jankélévitch va se détacher un petit peu. Quand on comprend l'humilité comme une compréhension de soi comme moins que ce qu'on croyait être, en fait c'est la définition complètement trivial, complètement banal en fait de l'humilité. Et le fait de raccorder ça à une tradition chrétienne, ça n'est que nous rappeler en fait d'où vient dans un premier temps cette vertu, et ensuite comment on peut la retravailler à partir de la manière dont elle était comprise avant. Oui, mais pour les lecteurs contemporains, il y a quelque chose d'anachronique, parce que ce qu'il décrit, c'est aussi ce de quoi les générations précédentes ont essayé de s'extraire. Quand même, de se dire, mais on peut avoir un rapport à soi qui prend en compte le soi sans être complètement égotripant. C'est qu'il y a un juste milieu entre le se considérer comme étant presque rien et encore une fois presque s'excuser d'exister et se prendre pour le roi du monde et ne parler que de soi. Heureusement d'ailleurs qu'il y a un juste milieu. Oui, et c'est pour ça que c'est la manière dont nous vivons la plupart du temps en réalité. C'est ce qui fait aussi toute la difficulté et toute l'exigence de la morale de Jean Kelevitch. En fait, c'est nous demander l'impossible que d'être humble en permanence, mais c'est reconnaître aussi que c'est à la condition de l'humilité qu'on pourra authentiquement aimer le prochain. Pourquoi faudrait-il devenir humble au fond ? C'est qu'il y a un présupposé là, vous dites c'est une pétition de principe, mais au fond c'est plus que ça, c'est qu'il construit sa morale autour de ce présupposé là, c'est quelque chose de très très fort et qui en effet relève presque plus de la religion que de la philosophie. Oui, si on n'est pas humble, en fait, il faudra avoir un raisonnement par l'inverse. Il faudrait dire, si nous ne sommes pas humbles, que se passe-t-il ? Bah, si nous ne sommes pas humbles, en fait, tout simplement, la morale ne nous est pas accessible. Donc, c'est une exigence propre de la morale pour Jean Kelevitch. On ne peut pas, en fait, comprendre ce qu'est une relation morale avec l'autre si on ne s'est pas d'abord approfondi soi et si on ne s'est pas d'abord compris comme étant peu de choses. C'est-à-dire si on ne s'est pas inégalisé par rapport à l'autre, infériorisé par rapport à l'autre pour comprendre ce qu'est l'amour. L'amour étant compris comme un pur don et non pas comme une réception. Et donc si on ne fait pas cet effort d'humilité, on sera toujours dans un registre qui est pseudo-morale, qui ressemblera à la morale, comme ça peut être le cas par exemple en politique, lorsque Jean Kelevitch dit tout le monde a des droits sauf moi. Il ne s'agit pas de droits politiques, il s'agit de droits moraux, c'est-à-dire de droits dans la relation. Je n'ai absolument aucun droit dans ma relation avec l'autre d'un point de vue moral. Je lui dois tout. Je ne suis rien et je dois tout à l'autre. En revanche, dans la politique, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce qu'on n'est pas dans une relation d'un être à un autre être. On est dans une relation entre deux êtres qui possèdent des avoirs. Et il s'agit d'égaliser les avoirs. S'il y a une laisse d'un côté, il va falloir réparer. Voilà, il y a une justice corrective qui va s'emparer de la question. Lorsqu'il faut distribuer les avoirs dans la société, il y a une justice distributive qui se charge de cette question. Mais il ne s'agit pas en fait de la relation entre les sujets. Il s'agit en fait de la distribution ou de la correction qui est liée à ce que possèdent les sujets. Quand on est dans l'ordre de la relation à l'autre, alors là, on n'a plus du tout de droit à faire valoir. On ne peut plus rien faire valoir. Et là, il y a une hétérogénéité profonde entre ce qui relève de la politique et ce qui relève de la morale. Dans la morale, on doit, par l'humiliation, par le processus de l'humiliation, se reconnaître comme étant moins que l'autre. Mais ça, c'est à cette condition, en fait, qu'on pourra aimer. Mais ça peut aller très loin, ça, parce que reconnaître, c'est aussi accepter de se faire humilier par l'autre, un rapport de force qui peut être écrasant et, je sais pas, prenez un enfant et un parent, si l'enfant se dit qu'il est presque rien et que le parent peut faire ce qu'il veut à son égard, c'est terrible. Et c'est pas ça qui produit l'amour. Enfin, si, mais c'est pas un amour enviable. Il faut espérer que, comme un dommage collatéral, l'autre soit aussi moral que nous. Mais c'est la seule chose qu'on peut exiger de l'autre. Je vois pas beaucoup d'amour là-dedans. Alors, parce que justement, cet amour, il est réciproque à partir du moment où les deux agents ont pris conscience de ce que ça signifiait être moral. Sinon, en fait, il n'y a pas d'amour sans morale. Il n'y a pas d'amour sans morale. L'amour est de bout en bout moral pour Jean Kelevitch. Mais les pages de Jean Kelevitch sur l'amour sont des choses sublimes où on ne transparaît par moment, en tout cas, aucune morale. On peut tout à fait les lire comme étant une célébration de cet amour qui est certes vertueux, lui dit-il. Il dit même c'est la vertu cardinale, même s'il le dit de toutes les vertus, vous l'avez rappelé. Mais il y a une attention à l'instant, à l'excitation, à la passion, etc., où la morale peut, un temps en tout cas, sembler secondaire. En réalité, non. Tout ce qui relève de l'amour, en fait, a pour horizon possible le sacrifice. Le paradoxe de la morale, qui est le dernier livre de philosophie et donc de philosophie morale de Jean Kelevitch, insiste avec force sur ce point. L'horizon de la morale, c'est le sacrifice, c'est-à-dire qu'on doit tellement tout à l'autre dans la relation d'amour, eh bien qu'on doit pouvoir se détruire soi-même pour préserver la valeur de l'autre, la dignité de l'autre, puisque cette dignité, elle est moralement conçue comme toujours supérieure à la mienne. Mais si chacun fait ça, tout le monde s'autodétruit. Non, justement. Tout le monde est dans une relation d'amour réciproque. Un peu détruit. Puisqu'on doit entrevoir la possibilité de se détruire pour privilégier la dignité de l'autre. Oui, je. Alors, si la dignité, du coup, peut exister, alors c'est au prix de notre propre destruction. C'est impossible de la morale, le sacrifice, c'est pas une nécessité, hein. Voilà, il faudrait pas, il faudrait peut-être pas généraliser en fait cette idée, mais il faut bien montrer que c'est un des possibles de la morale. Effectivement, on peut donc espérer que l'autre soit à la hauteur de la relation, comme nous faisons en sorte d'être à la hauteur de cette relation en permanence. Une dernière question, c'est celle que pose Jean Kelevitch. Est-ce que l'humilité peut rendre heureux? Voilà une question qui va parler, y compris si la morale peut paraître secondaire quand on s'intéresse à l'humilité, au moins celle du bonheur intéresse tout le monde. Bien sûr, c'est justement une des attention, je crains la réponse. C'est une condition, mais en fait c'est une condition du bonheur, c'est une condition alors peut-être moins du bonheur que de la joie, en tout cas c'est plutôt le terme que Jean Kelevitch privilégie. Justement, en étant sincère, en étant humble dans nos démarches, alors qui peuvent être des démarches de contrition, là je l'avoue, eh bien c'est à cette condition en fait que la rédemption sera possible. Il y a des formules très belles dans La mauvaise conscience, donc qui est le premier livre en fait de Jean Kelevitch, qui date de 1933, dans lequel justement il explique que c'est simplement si on est sincèrement dans le repentir, c'est-à-dire non pas avec le calcul qu'un jour le repentir sera terminé et que la joie refera surface, c'est à la condition en fait d'être sincèrement repentant que la joie se fera jour. Alors elle nous prendra par surprise, un jour, la mauvaise conscience disparaîtra, son bourdonnement disparaîtra. Mais c'est à la condition d'être sincère dans cette démarche et de ne pas être dans une démarche de calcul, parce que celui qui exhibe son repentir justement pour montrer qu'il est repentant ou qu'il a plus travaillé que les autres ou qu'il a plus souffert que les autres et qu'il l'utilise comme un argument justement pour obtenir des bénéfices dans sa relation à l'autre, est immoral. Donc oui, l'horizon de l'humilité, malgré tout, c'est la joie. C'est pas une joie commandée, c'est une joie qui se manifestera à l'occasion, mais si le cœur est pur, si l'intention est bonne. Donc il y a une condition. Oui, il y a la condition de l'humilité et de la sincérité. Merci beaucoup Pierre Albonguet de King Infolo d'être merci venu à vous. Nous parler de Jean Kelevitch ce matin. Lisez donc le chapitre sur l'humilité, celui sur la sincérité dont on parlait hier. L'humilité, c'était aujourd'hui. Et pour préparer l'émission de demain, eh bien lisez les pages sur la gratitude. Ce sera Cynthia Fleury qui viendra nous en parler. Je rappelle, Pierre Albonguet de King Infolo, que vous avez préfacé l'ouvrage La mauvaise conscience aux éditions Flammarion et co-présenté avec Laure Barrias l'ouvrage L'aventure, l'ennui, le sérieux de Jean Kelevitch, toujours aux éditions Flammarion. L'enfance n'était pas consommée, tant d'années de meurtre impayées, salvable on était, on nous aide, peu à peu à nous racheter, on blanchit hier comme on peut, et le plaisir de reconduire nos erreurs en terrain miné, vaut le terrain vierge s'il en est, la vie rend modeste, on voit ce qu'on avait. Quand on voit ce qui reste, nos petites misères qui se chantent subissent la rude concurrence d'autres misères, au mot moins fières, qui se partagent de mille manières. Même en tant qu'aficionado de l'insouciance, on n'ignore pas qu'elle ne mâche pas tout le travail qu'on voudrait bien se mettre à dos. La vie rend modeste. On voit ce qu'on avait quand on voit ce qui reste. Beaucoup de visages ont changé parmi ceux qu'on voit tous les jours. Ils ne vieillissent pas, mais leurs traits leur font des infidélités. Si par hasard ils se revoient tel qu'ils étaient, ils y croient trop pour ne pas douter aussitôt du bien fondé de leur mémoire. La vie rend modeste, on voit ce qu'on avait quand on voit ce qui reste. La vie rend modeste, cette modestie en peste, ce que nul n'a volé, ce que nul n'a volé, ce que nul n'a volé. La vie rend modeste. La vie rend non pas humble, mais modeste. La vie rend modeste, c'est une chanson de Dominique A sur France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle. Géraldine Mosna-Savoie, Avril Poignant-Le Goff, Anaïs Isbert, Laurence Malanda, qui a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. À la lecture des textes, Vincent Schmitt. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Jean Kelevitch, comment devenir vertueux avec Jean Kelevitch. Après la sincérité hier et l'humilité aujourd'hui, demain nous parlerons de gratitude en compagnie de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous sommes ravis de lire et de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.